sieste. Ça va aller. Ça va. لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم أما بعد الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري. Hadith numéro 40. Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pris un jour par l'épaule et lui a dit: sois dans ce monde comme un étranger ou un passant. Et Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma disait: parvenu au soir, n'escompte pas le lendemain, et parvenu au matin, n'escompte pas le soir. Tire avantage de ta santé avant la maladie et de ta vie avant la mort. Hadith rapporté par l'imam al-Bukhari. Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma marra ma'ana, yani marrat ma'ana tarjamatuhu akthara min marra fi awwali hadha al-kitab. فهو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما من المكثرين من رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي والمنكب هو مجتمع رأس العضد والكتف وهنا هذا هو ما يسمى بالمنكب هنا هذا هو العضد وهذا هو الكتف فما كان بينهما يسمى بالمنكب وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أصحابه رضي الله عنهم بتسوية الصفوف كان يقول لهم حاذوا بين المناكب والأقدام معنى الإنسان أن يكون مستوى رجلي كمستوى منكبي لأن من الناس من يعني يفرق بين رجلي ومن الناس من يجمع بينهما فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تكون رجلاك يعني حذو منكبك فكما يعني الفرق الذي يكون بين منكب الأيمن ومنكب الأيسر ينبغي أن يكون الفرق الذي يكون بين رجلك اليمنى ورجلك اليسرى. يقول أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبه. هذا يدل على يعني حفظ عبد الله بن عمر أنه يعني إضافة إلى حفظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإنما حفظ الهيئة التي حدثه عليها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا زيادة في ضبط الحديث. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذه وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أصل في وجوب قصر الأمل في هذه الحياة الدنيا. والنصوص في هذا المعنى كثيرة جدا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أقوال الصحابة والسلف رضي الله عنهم. ففي القرآن الكريم قصر الأمل في هذه الحياة الدنيا هي وصايا الأنبياء عليهم السلام. منها قول الله تبارك وتعالى على لسان مؤمن آل فرعون وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار وكذلك من النصوص التي تدل على حقارة هذه الحياة الدنيا لما رأى قوم قارون هذا الأخير خارجا عليهم في زينته تمنوا ما كان لدى قارون فقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون والأمثلة في ذلك كثيرة جدا يقول الله تبارك وتعالى مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح هذه الحياة الدنيا كما حكاها حكى ذلك رب العالمين في كتابه قال له النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب كأنك مقيم في مكان ولكن ليس هذا المكان بوطنك مقيم في بلد الغربة والذي يكون مقيم في مكان الغربة يكون همه الرجوع إلى بلده الأصلي فالنبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على أن نكون كذلك أن يكون الإنسان في هذه الحياة الدنيا كأنه غريب فالغريب قلبه غير متعلق بالوطن الذي أقام فيه كذلك لا ينافس أهل البلد في أموالهم إذا سافرت إلى مكان ما في أي مكان في وقت يعني إقامتك في هذا المكان هل تنافس أهل البلد؟ لا تنافس أهل البلد إذا رأيت أحدا صاحب مال لا تحسده لأنك لست بمقيم في هذا البلد فكذلك ينبغي أن يكون الإنسان في هذه الحياة الدنيا لا ينافس أهل الدنيا في دنياه إذن كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وقلنا أن الإنسان الغريب يكون شوقه يعني متجها إلى بلده الأصلي طيب أين بلده الأصلي إذن؟ ها؟ الجنة لأن آدم عليه السلام كان ساكنا في الجنة فزين له الشيطان المعصية فأخرج منها فالمؤمن يكون في هذه الحياة الدنيا غريب وهمه وتطلعه وشوقه إلى الجنة التي هي بلاده الأصلية لأنه كان في صلب آدم فأخرج منها قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل عابر سبيل هو المار ليس بمقيم يمر مرورا عابرا فهذا كذلك قلبه غير متعلق بالأماكن التي يمر بها سواء قلنا غريب أو عابر سبيل فكلا المعنيين يدل على عدم التعلق بهذه الحياة الدنيا من العلماء من قال أو هنا بمعنى بل كن في الدنيا غريب بل عابر سبيل فعابر سبيل تعلقه أقل من المقيم من الغريب وإتيان أو بمعنى بل كثير موجود في القرآن فين؟ hein? ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة فهي كالحجارة بل أشد قسوة فكما هنا كنت في الدنيا غريب بل عابر سبيل فينبغي أن يكون تعلقك بهذه الحياة الدنيا أقل من المقيم أنك تكون عابر السبيل يعني تمر بالبلدان مرورا عابرا والنبي صلى الله عليه وسلم هكذا كانت يعني حالته في هذه الحياة الدنيا جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها هذه حالة النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الحياة الدنيا كراكب استظل تحت شجرة والشجرة النبي صلى الله عليه وسلم يعبر بشجرة واختار هذه الكلمة لأنها تمثل هذه الحياة الدنيا تكون خضراء مثل هذه الحياة الدنيا يعني الإنسان يعني يفتن بخضرها وبنعيمها ومتاعها مثل الأشجار الإنسان يعني يستمتع بظلها وبثمارها إذن يقول مالي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم تركها ويروى عن المسيح ابن مريم عليه السلام أنه كان يقول اعبروها ولا تعمروها اعبروها ولا تعمروها وجاء في البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحد منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل الإشكال معنا الآن الإنسان في هذه الحياة الدنيا يريد أن يكون من أبناء الدنيا وأبناء الآخرة في وقت واحد وهذا غير ممكن إما أن يكون الإنسان من أبناء الآخرة وإما أن يكون من أبناء الدنيا الإنسان أن يختار ما ينفعه قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وجعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من آثر الدنيا على الآخرة من آثر الدنيا أضر بآخرته ومن آثر الآخرة أضر بدنياه فاختاروا ما يبقى على ما يفنى فلا بد الإنسان أن يعمل يعني اختيارا ولا بد من هذا الاختيار دونك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ينودي que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jour l'a pris par l'épaule et lui a dit sois dans ce monde comme un étranger ou un passant la première phrase lorsqu'il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pris par l'épaule ce qui nous prouve qu'il a maîtrisé ce hadith car en plus d'apprendre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam il a même appris son geste il a appris le geste du prophète sallallahu alayhi wa sallam donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit sois dans ce monde comme un étranger ou un passant donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut montrer à Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma la manière dont doit se, la manière de, par laquelle se doit se comporter le musulman ici-bas et que son cœur ne doit pas être attaché donc à ce bas monde il lui a dit soit dans ce monde comme un étranger ou un passant et donc dans le Coran vous trouverez de nombreux versets où Allah subhanahu wa ta'ala nous montre la valeur de ce bas monde Allah subhanahu wa ta'ala dit innama hadhi al-hayat dunya mata', c'est-à-dire ce bas monde n'est que jouissance. Wa innal akhirata hiya daru al-qarar, et l'au-delà est la demeure de stabilité. Et également Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans sourate Al-Kahf, مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء. La vie d'ici-bas est comme une eau que nous avons fait descendre du ciel. فاختلط به نبات الأرض. Cette eau s'est mélangée avec la végétation de la terre. فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. Jusqu'au moment où cette même végétation qui était belle est devenue comme de la paille. Donc, il n'y a aucune végétation qui n'est éternelle. Il suffit qu'il y ait très peu, un court moment de sécheresse, et cette même végétation qui était belle aujourd'hui devient toute sèche le lendemain. Et la vie d'ici-bas est ainsi faite. Elle nous paraît très belle, elle nous tente, et dans très peu de temps, elle disparaîtra. Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Donc tout ce qui est ici-bas est amené à disparaître. Et également le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous montrait quelle était sa position sallallahu alayhi wa sallam par rapport au bien d'ici-bas. Il nous dit: la relation qu'il y a entre moi et ce bas monde est la relation qu'a un chevalier ou bien un cavalier qui se serait arrêté sous un arbre pour profiter de cette ombre, de l'ombre de l'arbre. Et ensuite, après avoir donc s'être reposé sous l'arbre, la personne délaisse cet arbre et continue son chemin. Donc c'est ainsi qu'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également, il est rapporté, donc ce n'est pas un hadith, c'est surtout des rapports des gens du livre, que Isa ibn Maryam alayhi salam disait U'buruha wa la ta'muruha, c'est-à-dire la vie de ce bas monde, passez au-dessus de ce. Faites-y seulement un passage et n'y habitez pas. Donc le bas monde, il faut que le musulman il fasse un passage et n'y habite pas. Et dans Sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullah, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, il nous dit irtahalat ad-dunya mudbira, ce bas monde s'en est allé, donc ce bas monde s'en est allé, wartahalat ad-dunya muqbila, wartahalat al-akhiratu muqbila, et l'au-delà arrive. Donc ce bas monde s'en est allé et l'au-delà arrive. Wa li kulli wahidin minhuma banun, et chacun des deux possède des enfants et des adeptes et des disciples. Il y a des adeptes de l'au-delà et des adeptes de la vie d'ici-bas. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu dit ensuite: "Fakunu min abna'i al-akhirati wa la takunu min abna'i ad-dunya." Soyez parmi les enfants de l'au-delà et ne soyez pas parmi les enfants d'ici-bas. Car ici-bas ce sont les œuvres sans jugement. Et dans l'au-delà, c'est un jugement sans œuvre. C'est pour ça que le musulman, il faut toujours qu'il choisisse l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit: "Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khayrun wa abqa." Vous préférez la vie d'ici-bas alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. Donc les textes sont très nombreux à ce sujet. Donc il nous dit: sois dans ce monde comme un étranger. Donc un étranger qui habiterait donc à un endroit, mais ce n'est pas son pays. Donc vous remarquerez que la personne, lorsqu'elle est étrangère dans un endroit, elle n'y est pas attachée. Donc son occupation, sa seule occupation est de revenir vers son pays d'origine. Lorsque la personne habite dans un pays et qu'elle est étrangère, son occupation est de revenir dans son pays d'origine. Donc c'est ainsi que le musulman il doit être ici-bas. Il ne doit pas être attaché à ce bas monde et il doit espérer retourner dans son pays d'origine. Il y en a qui vont dire, c'est où son pays d'origine? C'est le paradis. Car Adam alayhi salam, alors que nous étions dans ses reins, il était au paradis. Et Shaitan donc lui a embelli le péché, et cela l'a fait sortir du paradis. Donc la demeure vers laquelle le musulman doit être attaché, c'est le paradis, donc pour y retourner, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Donc soit ici-bas dans un comme un étranger ou un passant. Également l'étranger, vous remarquerez que l'étranger, en général, il ne concurrence pas les gens du pays dans leur richesse. Pourquoi? Parce qu'il n'habite pas ici. Il s'enrichit, mais sans concurrencer les gens du pays. Donc c'est ainsi que le musulman il doit être. Ici-bas, il s'enrichit de bonnes œuvres, il s'enrichit de ce qui lui permet de vivre, mais en aucun cas il ne concurrence les gens de ce bas monde, donc les gens très riches, car il n'est qu'un étranger. Le prophète il dit un étranger ou un passant. Le passant, son attachement à ce bas monde ou bien aux endroits par lesquels il passe est encore plus faible que l'étranger, car il ne s'installe même pas à ces endroits là c'est pour ça que certains savants ont dit que ici vous trouverez soit dans ce bas monde comme un étranger, ou c'est à dire un passant, c'est-à-dire soit cela soit cela. Min al-ulama man qala anahu litaghyir an takun soit un étranger, soit un passant. Et d'autres savants ont dit que Aou ici, c'est le sens de Bel, c'est-à-dire soit comme un étranger ou plutôt comme un passant. Car le passant, donc son attachement à ce bas monde est encore plus faible. Et des endroits où le mot Aou vient avec le mot de Bel, avec le sens de Bel, il y est dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit: ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. C'est-à-dire que leurs cœurs se sont endurcis par la suite et sont devenus comme des pierres et plus durs encore. Bel, أَشَدُّ قَسْوَةً. وَكَانَ ابن عمر رضي الله عنهما يعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول لأصحابه إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. كان أمل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قصيرا في هذه الحياة الدنيا. كذا إذا أمسى يعني دخل في المساء يعني بعد زوال الشمس كان لا يتمنى أن يدرك الصباح، فكان ينتظر الموت في أي لحظة من اللحظات. وهذا الإحساس وهذا الشعور يحث على الازدياد من الأعمال الصالحة وعلى المسارعة في طاعة الله جل وعلا. فإن كان الإنسان مثلا يقال له ستموت قبل الصباح، طيب سيمكث هذه المدة كلها في الصلاة، ولعله سيتصدق بماله كله وسيعتكف على تلاوة كتاب الله جل وعلا. إن كان ساكنا في مكة لعله يعتمر، فسيحاول أن يفعل كل ما استطاع مما يقربه إلى الله جل وعلا. هذا الإحساس مهم أن يشعر به الإنسان، يعني إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على هذا الإحساس، فكان إذا سوى الصفوف يقول لأصحابه رضي الله عنهم صلوا صلاة مودع صلوا صلاة مودع كان يعني يسوي الصفوف ويحثهم على أداء هذه الصلاة كأنها آخر صلاة يصلونها كان الإنسان يعني قد استيقن أنها آخر صلاة يصليها في هذه الحياة الدنيا فإنه سيكون في خشوع تام ويعني حركات منضبطة وسيأتي بأركان الصلاة وبمستحبات الصلاة وبآداب الصلاة وسيتأمل يعني ما يتلو من كتاب الله وسيتأمل أذكار الركوع والسجود وكذلك يعني التشهد إلى غير ذلك فسيتم صلاته من تكبيرة الإحرام إلى التسليم فكان يقول صلوا صلاة مودعين يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وفي رواية فإنك لا تدري ما اسمك غدا هل أنت من الأحياء أم من الأموات وكان يقول وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك معناه اغتنم وقت صحتك قبل أن يحول بينك وبين طاعة الله جل وعلا مرض من الأمراض أن يعائق يعوقك عن عبادة الله على الوجه الأكمل ولهذا ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث عبد الله بن عباس نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس مغبون من خاسر نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ الصحة والفراغ فالإنسان يعني لا يستخدم صحته فيما يرضي الله ولا يستخدم فراغه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى وكذلك في حديث آخر في السنن يقول النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك صحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك فالإنسان عليه أن يعبد الله سبحانه وتعالى ما دام على يعني في في في في مرحلة الشباب وكذلك في مرحلة الصحة وإذا كان غنيا يعني له مال يعني يغني عن مسألة الآخرين وما دام الإنسان له وقت فراغ وما دام الإنسان إنسان حي فإنه قد تأتي عوائق يعني تعوق الإنسان عن عبادة الله والعوائق نوعان نوع خاص ونوع عام من العوائق العامة على يعني طاعة الله والرجوع إلى عبادته طلوع الشمس من مغربها فإن الله تعالى يقول هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا والنبي صلى الله عليه وسلم أن فسر هذه الآية فقال أن إذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا والحديث في الصحيح والأدلة في هذا المعنى على الإنسان أن يغتنم ويستغل يعني الأوقات في الرجوع إلى الله كثيرة جدا منها قول الله تبارك وتعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون في سورة الزمر. وكذلك قال الله تبارك وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abdullah ibn Omar, soit dans ce monde comme un étranger ou un passant. Et Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma mettait le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam en application. Et il disait également aux gens qu'il rencontrait, lorsque le soir arrive, ne compte pas sur le lendemain. Et lorsque le matin arrive, ne compte pas donc arriver au soir et tire avantage de ta santé avant la maladie et ta vie avant la mort. Donc Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma incitait les gens donc à adorer Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière, donc la personne adore Allah subhanahu wa ta'ala comme si c'était les derniers moments de sa vie. Donc si la personne avait la certitude que demain matin elle ne serait plus parmi nous, elle essaierait de faire tout ce qu'elle peut faire pour la rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme prière, comme sadaqa, comme lecture du Coran, comme visite des proches, comme visite des malades, bref tout ce que la personne peut faire pour récupérer ou bien gagner quelques bonnes œuvres avant sa mort, elle le ferait. Et également, si la personne, le lendemain matin, se dit que dans la soirée, elle ne serait plus parmi les vivants. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, incitait ses compagnons à adorer Allah subhanahu wa ta'ala de cette manière. Lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc, alignait les rangs avant la prière, il leur disait « Sallu salata muwaddi'in » c'est-à-dire faites la prière comme si c'était, comme si vous disiez adieu à ce bas monde, comme si c'était votre dernière prière accomplie ici-bas. Donc la personne qui aurait la certitude que c'est la dernière prière qu'elle accomplit ici-bas, elle va être en concentration parfaite pendant toute sa prière. Du moment où elle dit Allahu Akbar jusqu'au moment où elle dit Assalamu alaikum wa rahmatullah. Elle va bien analyser les sens et méditer les sens de Surat al-Fatiha, des versets qui sont récités juste après, de ce qu'elle dit pendant le ruku', de ce qu'elle dit pendant le sujoud, de ce qu'elle dit pendant le tashahhud. Pourquoi ? Parce qu'elle sait que elle ne reviendra plus à la prière. Et donc le musulman ainsi, il faut qu'il fasse à chaque fois. Lorsque la personne jeûne le mois de Ramadan, il faut qu'elle se dise peut-être que c'est la dernière fois que je jeûnerai. Lorsque la personne se rend au pèlerinage, il faut qu'elle se dise peut-être que c'est le seul et unique pèlerinage que j'accomplirai, donc je le fais de la meilleure des manières, et ainsi de suite. Et donc, Abdullah ibn Omar donc, disait « Wa khuz min sihatika li maradik » tire avantage de ta santé avant la maladie et de ta vie avant la mort. C'est-à-dire profite que tu sois en bonne santé pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, car lorsqu'une maladie viendra, tu ne pourras plus adorer Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure des manières. Combien de personnes à l'heure actuelle, du fait d'une maladie quelconque, ne peuvent plus prier, ne peuvent plus faire les ablutions, ne peuvent plus prier par exemple debout, ils sont obligés de prier assis, ou bien ne peuvent plus aller au pèlerinage. Pourquoi ? Parce que leur santé ne leur permet pas cela, ne peuvent plus jeûner parce que leur santé ne leur permet plus cela. Donc le musulman, il profite donc de sa bonne santé pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et profite également de ta vie avant la mort, car lorsque la mort arrivera, tu ne pourras plus alors œuvrer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ni'matani marbunun fihima kathirun minan nas. Il y a deux bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala que les gens donc les gens sont perdants par rapport à ces deux bienfaits. Donc ils n'en tirent aucun bénéfice. As-sihha, la santé, ou al-farah, et le temps libre. Donc ces deux bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés, qui sont la santé et le temps libre, il faut qu'ils soient utilisés dans l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans notre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit profite de cinq choses avant cinq choses. Profite de cinq choses avant cinq choses. Puis il a énuméré ces cinq choses en disant ta jeunesse avant ta vieillesse, ta bonne santé avant ta maladie, ta richesse avant ta pauvreté, ton temps libre avant ton occupation et ta vie avant ta mort. Le hadith est dans Sunan. Donc bref, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous incite de profiter des moments et des situations où la personne peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure des manières. Il y a combien de personnes qui j'ai un exemple en tête d'une femme, une femme musulmane qui a refusé de mettre le hijab pendant des années. Une femme, elle habite en région parisienne, à l'endroit où j'ai grandi. Elle a refusé pendant des années de mettre le hijab. Ces dernières années, elle a été atteinte du cancer. Et comme vous le savez, les médecins guérissent le cancer par ce qu'on appelle la chimiothérapie. Donc tous ses cheveux sont tombés à cette femme. Et elle était obligée de mettre le hijab pour cacher cela. Parce qu'elle ne pouvait pas sortir sans cheveux. Est-ce qu'elle aura une récompense ? Il n'y a pas de récompense. Binniyat, qu'il faut adorer Allah subhanahu wa ta'ala pendant la bonne santé plutôt que d'espérer d'avoir une récompense alors qu'on a fait ça sans intention sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Car donc il y a des choses qui peuvent arriver et qui donc empêchent le musulman donc d'accomplir les bonnes œuvres. Il y a des choses propres à l'homme et des choses qui concernent tout le monde. Parmi les choses qui concernent tout le monde, le fait que le soleil se lève de l'Occident. Du fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْدُ آيَاتِ رَبِّكَ. Est-ce que les mécréants attendent pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala que les anges leur viennent, ou bien que Allah leur vienne, ou bien que des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala leur viennent. يَوْمَ يَأْتِي بَعْدُ آيَاتِ رَبِّكَ. Le jour où viendra quelques signes de ton Seigneur, لَا يَنْفِعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خِيرًا. Le jour où des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala viendront, la foi ne sera d'aucune utilité à une âme si elle n'a pas cru auparavant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué ce verset en disant que ces signes seront le jour où le soleil se lèvera de l'Occident. Donc à ce moment-là, le repentir n'est alors d'aucune utilité. Également lorsque la mort atteint une personne également, le repentir n'est alors d'aucune utilité. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَوْبُوا مِنْ بَعْدِهَا. لَا كُلِّ حَال ثُمَّ يَقُولُ إِنِّي تُوبْتُ الْآنَ. نعم فرعون لما أدركه الغرق قال إني آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال تعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. الله عز وجل يعني لم يقبل توبة فرعون لأنه يعني لما استيقن يعني الموت تاب إلى الله سبحانه وتعالى. Donc il n'y a pas de repentir également lorsque la personne se rend compte qu'elle va mourir, car le repentir est lorsque la personne est encore en situation d'accomplir les bonnes œuvres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit تقبل التوبة العبد ما لم يغرغر يعني أن تبلغ النفس الحلقوم. Donc le prophète Sassam nous dit que le repentir de l'homme est accepté tant que son âme n'a pas atteint l'holqoum, c'est-à-dire les amygdales. Bref, lorsque l'âme sort du corps, à ce moment-là où il est proche de sortir, le repentir n'est pas accepté. الحديث الحادي والأربعون عن محمد عن أبي محمد عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. حديث numéro 41. Abu Muhammad Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'est véritable croyant que celui qui met toute sa passion aux enseignements que j'ai apportés. C'est un hadith hassan sahih que nous avons transmis de Kitab al-Hujja avec une chaîne de garantie authentique. Hadith hadith yani من الأحاديث التي يعني استدركها العلماء على الإمام النووي فوجدوا فيها يعني أسبابا توجب تضعيف هذا الحديث. ففي إسناده رجل اسمه حماد اسمه نعيم ابن حماد المروزي وهو صديق يخطئ كثيرا وعد العلماء هذا الحديث من أخطائه. وكذلك هناك انقطاع بين يعني راوي الحديث عن عبد الله بن عمر بن العاص فإنه لم يدركه اسمه أن عقبة بن أوس السدوسي لم يسمع من عبد الله بن عمر بن العاص. فهناك كما قلنا رجل ضعيف وكذلك انقطاع في الإسناد فالحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن معناه أني صحيح معناه صحيح قد يكون الحديث ضعيفا ولكن معناه صحيح كما هنا لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قلنا أن معناه صحيح لأن هناك آية من كتاب الله بنفس المعنى قال الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية الكريمة بمعنى هذا الحديث ولكن الإنسان لا أن يثبته للنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرنا من الأسباب. راوي الحديث هو عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما وهو من يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المشهورين من عباد الصحابة رضي الله عنهما وكان أن يواظب على الصيام وقيام الليل حتى جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أني كم تصوم فقال كل يوم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أني صوم ثلاثة أيام من كل شهر فقال إني أطيق أكثر من ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أني صم يومين في جمعة يعني يومين في الأسبوع فقال إني أطيق أكثر من ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أني صم يوما وأفطر يوما فإنه لا صيام أفضل من ذلك فإنه صيام نبي الله داود عليه السلام. فقال له يعني في كم تختم القرآن فقال كل ليلة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أني اختم في كل سبعة أيام. ففي آخر عمره يعني ندم فقال يا ليتني يعني اتبعت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعني ضعف على الصيام وضعف على القيام رضي الله عنه. وكان من الصحابة الذين كانوا يجمعون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت في صحيح الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لم يكن عند أحد من الصحابة رضي الله عنهم من الأحاديث أكثر مما كان لدي يعني هذا أبو هريرة إلا ما كان عند عبد الله ابن عمر ابن العاص فإنه كان يكتب ولا أكتب فعبد الله ابن عمر ابن العاص كان يعني يكتب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وحسب مقولة أبي هريرة رضي الله عنه كان لدي أكثر مما كان عند أبي هريرة ولكن يعني لم يشتهر بالرواية فالمروي عن عبد الله بن عامر بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقل بكثير مما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه لماذا؟ لأنه يعني بعد الفتوحات أقام في أماكن لم يكن الناس يرحلون إليها لطلب الحديث فأقام بمصر وأقام بالطائف بخلاف أبي هريرة رضي الله عنه فين كان هو؟ كان بالمدينة والناس يرحلون إلى المدينة وكذلك كان يشتغل بالعبادة كان مشتغلا بالعبادة كما ذكرنا ومن الأسباب كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأبي هريرة أن لا ينسى ما حفظه منه صلى الله عليه وسلم فهذا من الأسباب التي يعني جعلت عبد الله بن عمر بن العاص يعني روى أحاديث أقل من أبي هريرة رضي الله عنه ولكن يعني ما جمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر بشهادة أبي هريرة رضي الله عنه نفسه دونك الحديث أبو محمد عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه Donc le hadith, comme on a dit, n'est pas authentique, car donc il y a dans l'isnad Nu'aym ibn Hamad al-Marwazi, donc il est le Hafid ibn Hajar, il dit qu'il est Sadouq yurti'u kathiran, et également il y a ce qu'on appelle une qita dans l'isnad. Il y a une personne qui rapporte d'une autre personne alors qu'il ne l'a pas, qu'il n'a jamais rien entendu de lui. Nous avons Uqba ibn Aws al-Sudusi, il nous dit. Qu'il a appris ce hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As alors qu'il n'a jamais rien entendu de lui. Donc, c'est parmi ces causes-là qui ont fait que les savants du hadith, parmi eux Hafid ibn Rajab, ils ont rendu ce hadith faible. Mais son sens, il est vrai. Donc, le sens de La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tubi, c'est le même sens que le verset de Surat Nisa, Fala wa rabbika la yu'minuna hatta. C'est-à-dire par ton Seigneur ils ne croiront pas que lorsqu'ils te prendront comme juge dans leur querelle donc le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que nos passions soient et suivent les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam celui qui a rapporté ce hadith c'est Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma donc il faisait partie c'est un très célèbre compagnon lui et son père et il faisait partie des grands adorateurs parmi les compagnons radiyallahu anhu, ceux qui jeûnaient beaucoup qui lisaient beaucoup le Coran qui faisaient la prière nocturne un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé combien de jours jeûnes-tu il a dit je jeûne tous les jours le prophète lui a alors dit je jeûne 3 jours par mois cela est suffisant il a dit je peux faire plus que cela Il lui a dit, jeûne alors 2 jours par semaine. Il lui a alors dit, je peux faire plus que cela. Il lui a dit, jeûne alors 1 jour et mange le lendemain. Et il n'y a pas de jeûne meilleur que celui-ci, car c'est le jeûne de Daoud, alayhi salam. Il lui a alors dit, en combien de temps finis-tu le Coran ? Il lui a dit, je finis le Coran toutes les nuits, en prière. Il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a incité de finir le Coran tous les 7 jours. Et malgré cela, il n'a pas suivi. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'était pas un ordre qu'il lui avait donné, c'était seulement un conseil. Et à la fin de sa vie, lorsqu'il a pris de l'âge, il a regretté de ne pas avoir suivi le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car c'était donc ce qui était en concordance avec la nature humaine. La personne ne peut pas, pendant des années, jeûner tous les jours, pendant des années, finir le Coran tous les jours et également prier chaque nuit. Et également, il faisait partie des compagnons radiallahu anhum qui réunissaient les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, j'ai oublié de citer ce hadith, Abdullah ibn Amr ibn As, il taqa ma'al mushriki. فقالوا له أنت تكتب كل شيء من النبي صلى الله عليه وسلم في حالة الغضب والنبي صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في حالة الغضب والرضا كيف تكتب كل شيء النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بمقولة المشركين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكتب فوالذي نفسي بيده لا يكتب من في إلا الحق. Abdullah ibn Amr ibn al-As, il écrivait tout du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait et qu'il entendait, il l'écrivait. Et un jour, les associateurs l'ont blâmé en lui disant comment se fait-il que tu écrives toutes les choses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toutes les choses qu'il dit, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un homme. Parfois, il se met en colère, parfois, il est content, parfois. Bref, il y a des choses qui font que tu ne peux pas tout écrire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Abdullah ibn Amr ibn al-As est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit ce qu'avaient dit les associateurs. Le prophète, il lui a dit: écris, car par celui qui détient mon âme entre ses mains, la yakhruju min fiya illa al-haq. Car ce qui sort de ma bouche n'est que la vérité. Et donc il écrivait donc tout ce qu'il entendait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Huraira radiyallahu anhu, celui qui a rapporté le plus de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que personne ne possédait en nombre de hadiths plus que moi, à part Abdullah ibn Amr ibn al-As, car il écrivait alors que moi je ne savais pas écrire. Abu Huraira radiyallahu anhu, c'était seulement par cœur, il ne savait pas écrire. Mais vous remarquerez que les hadiths rapportés par Abdullah ibn Amr al-As sont inférieurs, très très inférieurs à ceux rapportés par Abu Huraira radiyallahu anhu. Il y a des causes à cela. Premièrement, Abdullah ibn Amr ibn al-As était donc parmi les grands adorateurs. Il était occupé par l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala plutôt que l'enseignement. Également, lorsque l'islam s'est propagé, il a résidé à des endroits comme At-Ta'if ou bien Masar, qui ne sont pas des endroits où les gens se dirigeaient pour apprendre le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, parmi les causes également, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour que Abu Huraira se différencie des autres compagnons. Donc lorsqu'il l'a invoqué pour que Abu Huraira radiyallahu anhu n'oublie rien de ce qu'il avait appris. Également, on est obligé de citer Abdullah ibn Amr ibn al-As, ani dhafira bi kutubin min al-kitab bi Sham wa kana yaqra'u minha. Abdullah ibn Amr ibn al-As, il avait lorsque la Syrie a été conquise, il a récupéré des livres des gens du livre et il lisait dedans. Fa min at-tabi'in man ani ittaqa ar-riwayata min Abdullah ibn Amr ibn al-As. مفهوم؟ كغني ظن أنه سيكون خلط بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام أهل الكتاب. donc également عبد الله ابن عمر ابن عاص il avait donc eu des livres des gens du livre. lorsque la Syrie a été conquise, il a récupéré des livres des gens du livre et il lisait dans ces livres là. et certains parmi les tabi'in ont préféré par prudence ne pas prendre le hadith de عبد الله ابن عمر عاص car ils pensaient que donc il pouvait y avoir un mélange entre les deux. Donc c'est pour ça que Abu Huraira radiyallahu anhu, qui était à Médine, donc lui il était vraiment à l'endroit où les gens se dirigeaient pour prendre le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa nashrahu al-hadith al-usbu' al-qadim wa kama tulahidhun qad yani iqtarabna min nihayat al-kitab baqiya ma'ana hadha al-hadith wa al-hadith alladhi ba'dahu ba'da يعني ختم هذا الكتاب إن شاء الله سنشرعه في كتاب آخر وهو عمدة الأحكام في معالم الحلال والحرام عن خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. هذا الكتاب يعني جمع فيه المؤلف رحمه الله وعبد الغني المقدسي رحمه الله الأحاديث التي اتفق عليه البخاري ومسلم، فكل ما في هذا الكتاب صحيح، وهو كتاب مرتب على الأبواب، على الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والبيوع والنكاح وكذلك القضاء والجنايات. فيعني حاولوا أن تقتنوا هذا الكتاب، اسمه عمدة الأحكام، عمدة الأحكام، وهو لعبد الغني المقدسي. Donc je disais, essayez d'acheter, on va bientôt finir le livre des 40 hadiths de l'imam Nawawi, essayez d'acheter un livre qui s'appelle « Umdatul Ahkam » de Abdel Ghani al-Maqdisi. Donc c'est un recueil de hadiths qui sont tous dans al-Bukhari au Muslim, et c'est un livre donc qui est par ordre des chapitres de la jurisprudence du fiqh, donc la purification, la prière, le zakat, le jeûne, etc., etc. Donc on va revoir tout le fiqh inshallah à travers ce livre inshallah ta'ala. Je sais pas si doit être présent dans les bibliothèques. Je sais pas s'il est traduit en français. En tout cas, c'est pas grave. Et c'est pas des hadiths durs. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Non, je ne sais pas si vous aurez le même.